بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Et là, on va continuer, Inch'Allah, At-Tahara, Shay'an At-Tahara. Un petit peu des choses qui concernent la purification. Toujours dans le même sujet, les choses qui vont nous permettre de pouvoir entrer par la suite dans As-Salah, Ahkam As-Salah, dans celle de la Salat. فقال المؤلف حفظه الله تعالى من لبس الخفين أو الجوربين على وضوء يشرع له أن يمسح عليهما إن كان مقيما يمسح عليهما يوما وليلة وإن كان على سفر يمسح عليهما ثلاثة أيام بلياليهن والدليل حديث أبي والدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ أو لبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن ولو شواهد يصح بها والمسح على ظاهر الخفين والدليل حديث علي بن أبي طالب قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود وهو صحيح. Donc il dit l'auteur dans le 61e point, celui qui met des khoufs, les khoufs on expliquait, ce sont comme une forme de chaussette en cuir qui monte jusqu'aux chevilles, fait à partir de peau. Donc celui qui met des khoufs ou des chaussettes, après avoir fait ses ablutions, il lui est légiféré d'essuyer ses mains mouillées. Vous voyez, les mains mouillées sur elles. S'il est résident, il essuie durant un jour et une nuit. Et s'il est en voyage, il essuie trois jours et trois nuits. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Bakra, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restreint pour le voyageur, lorsqu'il fait ses ablutions, et met des chaussettes, puis perd ses ablutions, qu'il essuie durant trois jours et trois nuits. Et pour le résident, un jour et une nuit, rapporté par Ibn Majah, et c'est un hadith qui est bon, Hassan. Et il a des témoins, c'est-à-dire des hadiths qui vont dans le même sens, qui le rendent authentique. Et le suyage des roufs se fait sur le dessus. Et la preuve, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, qui a dit, j'ai bien vu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, essuyer le dessus de ses chaussettes, rapporté par Abu Daoud, il est authentique. Taïb. Donc là, c'est la masala du masala khufayn. Et dedans rentrent également les chaussettes. Ça prend le même jugement. Comme cela est dans d'autres ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, qu'allou à la tassakhin. Tassakhin sont des choses qui font office de chaussettes. Donc là, le khulasa, c'est ça. C'est que celui qui a mis des chaussettes ou des khoufs en état de purification, il lui est permis, pour celui qui est résident, d'essuyer dessus lorsqu'il fait les ablutions, parce qu'il fait l'eau d'eau, d'essuyer dessus durant un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures. Et celui qui est en voyage, 3 jours et 3 nuits. Maintenant, de quand commence le temps de l'essuyage? Une question que beaucoup se posent, c'est le premier essuyage, du moins le temps, compte à partir de la première fois que tu es essuyé sur les chaussettes ou sur les roufs. C'est-à-dire tu as été, par exemple, tu as ahdafta, tu as perdu l'eau d'eau. Tu as fait l'eau d'eau. Tu t'es lavé les pieds comme dans l'eau d'eau, normalement. Ensuite, tu as mis tes chaussettes, mathalan. Et par la suite, tu as perdu du l'eau d'eau. Par la suite, tu as perdu l'eau d'eau. Donc tu refais l'eau d'eau. Et là, à ce moment-là, tu essuies sur tes chaussettes. À partir de cet essuyage-là, tu comptes 24 heures si tu es résident. Et tu comptes 3 jours et 3 nuits, tu es voyageur. Donc c'est à partir du premier essuyage que le tawqit il commence, que le temps il commence. Et également, ceci a été évoqué en détail dans les douloureuses de l'Bulugh. L'iman arada akthar tafasil fil hada al-bab. Celui qui a plus de détails, inshallah, il retourne dans ces douloureuses. Donc bien évidemment, il est conditionné pour pouvoir mettre ses khoufs, essuyer dessus, de les avoir enfilés en étant en état de purification. C'est une condition. كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأوهت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فما صحا عليهما. Que Mughira, il a dit que j'étais en voyage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait l'ouzo. Ensuite, je me suis rabaissé pour pouvoir lui enlever ses roufs. Il a dit, laisse-les, car je les ai mis en étant de purification. Et après, il essuya dessus. Tout comme il est permis, aussi une question que beaucoup se posent, les chaussettes trouées. Les chaussettes trouées, les ulama disent qu'il est permis de le faire dessus. Tant que ça reste un aspect de chaussette. Car il est certain, comme l'a dit Shaykh Ibn Taymiyyah, que les sahaba avaient sûrement des chaussettes qui étaient trouées. Avec le mode de vie qu'ils connaissaient et la qualité des vêtements qu'ils devaient avoir à l'époque, des grandes marches qu'ils faisaient, des grands voyages qu'ils entreprenaient, et les genres de chaussures qu'ils devaient porter ou de sandales, il est presque impossible de dire que leurs chaussettes n'étaient pas trouées. Et malgré cela, ils faisaient les masses dessus. Donc même si la chaussette elle est trouée, et tant que ça reste toujours une chaussette, c'est-à-dire ce n'est pas juste un bout de tissu qui est accroché au pied, inch'Allah, il est permis de faire le masse dessus. L'admas alam bab al-faïda, que beaucoup d'ulama y rentrent ce sujet-là dans les kutub de Aqidah. Al-mas al-khufayn. Pourquoi? Car cela, personne ne s'est opposé à ce jugement dans la sharia, si ce n'est les anadiqas et les mubtadi'as, les gens des passions, les anadiqas. C'est pour ça que l'imam al-Tahawi dans son livre, il dit, l'aqidah al-Tahawiyya, wa nara al-mas'a al-khufayn fi safar wal-hadar kama ja'a fi al-athar. Que nous voyons l'essuyage sur les roufs, en voyage ou résidence, tout comme cela est venu dans les hadiths. Tu verras par exemple les shi'a, les chiites, eux ne voient pas le mas'a al-khufayn. Et bien d'autres. Ils refusent ces hadiths. Donc de là, les ulama l'ont mis dans leur livre, dans les domaines de la aqidah, pour s'opposer et démontrer l'erreur de ces gens-là. Naam. Donc là, c'est ce qui concernait le mas'a al-khufayn. Ba'da hadha. Et des fois, j'oublie de préciser que certaines des fawaïd que j'apporte, bien sûr, sont prises du ta'liq de Cheikh Abdel Raqib Kaukabani. Beaucoup d'entre elles, la plupart d'entre elles, viennent de là. Et souvent, dans l'avancée du livre, j'oublie de le préciser. Hakada. Ala kullin. Qala al-mu'allifu. Hafizallahu ta'ala. Fil mas'ala al-thaniya wa sittin. Idhi hadrati salatu. Wa lam tajid al-ma. Fatayammam. Wa dalilu qulullahu ta'ala. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَالسَّعِيدُ هُوَ تُرَابُ الْأَرْضِ وَالدَّلِيلُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ رَوَى مُسْلِمٌ. Donc il dit dans le 62e point, parce que le temps de la salat y rentre, et que tu ne trouves pas d'eau, fais les ablutions sèches, ce qu'on appelle le tayammum. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre, puis essuyez-vous-en vos visages et vos mains. Et le sa'id, comme dans le verset c'est venu, c'est la poussière de la terre. Et la preuve, c'est le hadith de Hudayfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la terre tout entière a été rendue pour nous un lieu de salat. Un lieu où on peut faire la salat. Et sa poussière nous a été rendue purifiante pour lorsque nous, purifiante lorsque nous ne trouvons pas d'eau. Rapporté par Muslim. Donc là, c'est ma salat tayammum. Tayammum, c'est ce qu'on appelle en français ablution sèche. Et celles-ci sont légiférées pour deux situations. Celle où l'eau n'est pas présente, on ne trouve pas d'eau. Et deuxième situation, celle où même si l'eau est présente, mais le abd ne peut l'utiliser pour cause de blessure ou de maladie. Donc là, lui est légiféré de faire le tayammum. Tamam. Soit qu'il n'y a pas d'eau, et que le temps de la salade va partir, et qu'on n'a pas trouvé d'eau, ou soit pour celui qui est malade ou blessé, qui ne peut utiliser de l'eau. Donc là, ce tayammum, il y a eu un khilaf dans la mas'ala, avec quoi peut-il être fait? Et l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il n'est fait qu'avec la poussière de la terre, c'est-à-dire la terre en soi, celle qui laisse des traces, tout ce qui peut être sable, terre, ce genre de choses, qui laisse de la poussière. Certains ulémas évoquent même les arbres et les pierres entrent dedans. Mais l'avis le plus sûr, c'est celui-là. Comme a dit dans le hadith de Hudayfa, que que toute la terre, ainsi que sa poussière, nous ont été rendues purification. Il a bien dit. Fil hadith, turbatuha. Wajrila turbatuha lana tahuran. La turba, c'est les choses, c'est la poussière de la terre. Donc de là, on voit que l'avis le plus sûr, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, kazalik, le tayammum se fait avec de la terre. Ou alors peut-être du sable. Toutes les choses qui proviennent du sol, même de la boue, et qui laissent des traces, qui ont de la poussière, qui laissent des traces sur toi. Et bien sûr, par condition que cette terre soit tahir. D'accord, c'est pas une terre, par exemple, souillée par des najasa. Ça, non, c'est pas permis. Tayammum, comme cela est dans le hadith de Ammar ibn Yasir, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه وفي رواية وجهه وكفيه. C'est-à-dire, il a dit à Ammar, il te suffisait de faire comme ça avec tes mains. Il frappa avec ses deux mains une fois sur le sol, puis s'essuya les deux mains, la gauche sur la droite. Alors, c'est-à-dire l'apparence de la main. Puis, il essuya son visage. Dans une version, le visage d'abord, puis les mains. Donc, c'est-à-dire là-dessus, il n'y a pas vraiment d'ordre défini. Les plus grands nombres de preuves sont venus pour faire passer le visage en premier, comme dans le verset ou quoi, mais en réalité, celui qui commence par ses mains, puis ensuite fait son visage, cela est valide. Et celui qui commence par son visage, puis par la suite fait ses mains, cela est valide également. Et ce tayammum est valable pour les deux forme de souillure, c'est-à-dire celui qui est en souillure mineure, en souillure majeure. C'est-à-dire la janaba, ou celui juste qui est mourdif, qui a perdu l'eau d'eau. Celui qui est en janaba, en état de souillure majeure, s'il ne trouve pas d'eau, ou bien qu'il est malade, peut faire tayammum. Et celui qui est en souillure mineure, c'est-à-dire celui qui a perdu l'eau d'eau, mathalan, également. C'est le même jugement pour les deux. ثم قال في المسألة الثالث والستين فإذا فرغت من وضوئك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والدليل حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم. Donc dans le 63e point, il dit, chose que nous avons déjà citée dans le dirs précédent. Lorsque tu as fini les ablutions, tu dis, ça se dit en arabe bien évidemment, ça ne se dit pas en français, mais là juste pour la traduction, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adorer que Allah, et que Mohammed et son serviteur est la preuve, et le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un seul d'entre vous qui fait ses ablutions en les faisant bien, complètement. Puis dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sans que les portes du paradis lui soient ouvertes et qu'il rentre par celle qu'il veut, rapporté par Muslim. Donc c'est le doua à faire, ce qu'on a fini de faire le doua. Donc là, yanbari, l'irtisab inda hadi al-ibada al-azima al-jalila. C'est-à-dire celui qui fait l'ozo, qui se rappelle bien ce qu'il est en train d'accomplir comme adoration, pour en tirer la récompense et faire cette invocation qui est parmi les causes de rentrer au Jannah, au paradis. Donc ne pas négliger. Et comme nous l'avons cité également, que ces petits péchés commis partent avec l'eau. Wa ala bi fadlillah wa rahmati ala ibadihi. Et pour finir, il dit, al-mas'ala arabi'a wa sittoun. نواقض الوضوء أولا الخارج من القبول والدبور والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Donc là déjà on va prendre à part un qui sont 64e point, les annulatifs des ablutions de l'ozo. Donc le premier, ce qui sort de devant ou de derrière, c'est-à-dire du pénis ou de l'anus, ou du vagin pour la femme. Et la preuve, C'est le hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, qui l'a dit, que la salat de celui qui a fait ses besoins, on dira plutôt celui qui a eu, qui a quelque chose qui est sorti de ses deux orifices, n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. On appelait ça en arabe ihdath. Allazi ahdath. Ou le hadith muttafaqun alayh. Thumma, thaniyan wa thalithan. An-nawm al-mustaghriq wal-janabah. والدليل حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. Donc maintenant deuxième et troisième annulatif. Le sommeil profond et la grande impureté. Al-janaba. Et la preuve, c'est le hadith de Sofwan ibn Asal qui a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait lorsque nous étions en voyage de ne pas enlever nos chaussettes ou les khoufs, quand même, 3 jours et 3 nuits, sauf pour la grande impureté, al-janaba, mais seulement en cas de sel, d'urine ou de sommeil apporté par Tirmidhi, et c'est un hadith qui est bon. Donc ce hadith regroupe, démontre, appuie le précédent, la masala précédente, qui est que le fait d'aller d'accomplir les besoins, annule l'ordre. Et également, on ajoute à cela le sommeil profond, et pas le léger. Pourquoi, quand des hadiths sont venus que les sahaba attendaient la salat, comme cela fut rapporté par Anas, le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tardait à tel point qu'il somnolait. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et il faisait la salat directement sans refaire l'ordre. Donc là, cela démontre que le sommeil léger n'annule pas l'ordre. Le sommeil léger n'annule pas l'ordre. وزاد في هذه المسألة ونوم الأنبياء ليس بناقض لوضوئهم لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وهذه خصوصية لهم عليهم الصلاة والسلام. Donc également le sommeil des prophètes n'annule pas leurs ablutions. Et selon fonction du hadith de Anas ibn Malik rapporté par le Bukhari, dans le Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes, leurs yeux dorment, mais pas leur cœur. Et ceci leur est spécifique, c'est-à-dire cela est propre au Anbiya, ce n'est pas pour les autres. As-salat wa salam alayhim. Donc là, le sommeil profond, et la janaba, c'est le fait d'avoir eu des rapports, et que le sperme soit sorti du pénis pour l'homme, et également pour la femme. Car on appelle ça également al-mani, même pour la femme. Son aspect différent, mais ce qui sort de son vagin, et cela dû à un plaisir ou ce genre de choses, cela en arabe s'appelle mani kazalik. Et cela implique al-rusl, le lavage. L'ozo ne suffit pas. Là, il faut se laver complètement. Et dans la sunna, dans ce lavage, on fait l'ozo. Et celui qui ne fait pas l'ozo, le lavage est quand même valable s'il met une bonne niya. Naam. Donc on appelle ça être en janab. ثم قال الرابع الناقض الرابع مس الذكر والدليل حديث بصرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وصحيح بشواهده عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ. Donc là, cinquième annulatif, ou quatrième plutôt annulatif, le fait de toucher son sexe directement, le contact avec le sexe directement. Et là, il parle en fait du pénis, mais comme le hadith va démontrer, cela est également valable pour la femme. Et la preuve, c'est le hadith de Bousra bin Safwan, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque touche son sexe, on va dire son pénis, qu'il ne fasse pas la salat sans qu'il ait refait ses ablutions. Rapporté par Tirmidhi. Et c'est un hadith qui est bon et authentique par ses témoins rapportés par Ahmed et autres d'après Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, tout homme qui touche son pénis, qu'il fasse ses ablutions, et toute femme qui touche son vagin, qu'elle fasse ses ablutions. Donc le jugement, il est commun pour les deux, l'homme comme pour la femme. Là, il y a un khilaf, c'est une masala khilafiyya, il y en a qui voient que c'est juste mustahab, recommandé. D'accord, c'est le masala khilafiyya, mais ce qui apparaît des preuves, c'est que cela est un annulatif de l'ouzou. En tout cas, c'est l'avis de Cheikh Yahya, hafizahoullahu ta'ala. Il voit même que la femme qui, par exemple, amènerait à toucher le pénis de son mari, ou l'inverse, le mari qui toucherait le vagin de sa femme, ou alors même la femme qui viendrait à toucher le pénis de son fils lorsque lui change ses couches, par exemple, ou sa fille, qu'elle sera amenée à toucher son sexe, cela inclut qu'elle refasse ses ablutions. Ça, c'est l'avis de Cheikh Yahya, hafizahoullahu ta'ala, dans la mas'ala. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là, mais c'est l'avis que lui y voit. Naam. Cinquième, un aqid al-khamis. Aklu lahm al-ibil. Wa dalilu hadith Jabir ibn Samura. Radiallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, a'na tawadda'u min luhum al-ibil. Qala na'am, akhrajo muslim. Donc le cinquième, c'est quoi? C'est le fait de manger de la viande de chameau. La chair de chameau. Et la preuve, c'est le hadith de Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, qu'un homme demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Refaisons-nous nos ablutions pour la viande de chameau ?» Il répondit, « Oui. » Le hadith rapporté par muslim. Naam. Et cela inclut également, comme les ulama disent, le bouillon, la sauce qui viendrait de cette viande-là. Si demain quelqu'un ferait un plat avec de la viande de chameau et qu'il y aurait une sauce, d'accord, un bouillon qui viendrait de cette viande, et qui, par exemple, il dit, moi, je ne mange pas de la viande, mais il boit du bouillon, le jugement est le même. Par contre, cela ne concerne pas le lait. Le lait de la chamelle n'est pas concerné par le jugement. Là, on parle de sa chair seulement. Et le bouillon, lui, à la base, vient de quoi? De la chair qui a mariné dans la sauce. Naam. Puis il dit, al-naqid al-sadis, al-riddatu, wa hiya naqidatun lil-wudu wa lil-islam, wa dalilu, qu'allahu ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ. Donc sixième naqid annulatif, c'est l'apostasie. C'est-à-dire le fait d'être sorti de la religion, d'être sorti de l'islam. Il dit que celle-ci annule les ablutions et l'islam totalement. Celui qui apostasie devient mécréant. Et la preuve de la parole d'Allah dans le sens où il dit « Et quiconque mécroit en la foi, son œuvre est certainement annulée. » Donc de là, de ce verset, le chir, on a déduit que son œuvre, c'est-à-dire même ses ablutions, en sont annulées. Et également, c'est une masala sur laquelle il n'y a pas ijma. D'accord? Il n'y a pas unanimité, mais c'est l'avis du chir. Par rapport à ça, il a sa preuve avec lui. Hafizahullah ta'ala. Al-sabi'a wal-akhir, qal, zawalu al-aqli bi-junounin, aw irma'in, aw sukrin, wa majbahaha. Min al-adwiya al-muzila lil-aql, ajma al-ulama an al-wudu. Donc il dit septième annulatif, qui est perte de raison par la folie ou par la perte de conscience, c'est-à-dire l'évanouissement par exemple, ou le coma, ou l'ivresse. Ces choses qui font perdre la raison, d'accord, annulent l'odo. Tout ce qui y ressemble parmi les causes qui font perdre la raison. Les savants ont été unanimes sur le fait que les ablutions sont annulées par cela. Car ce n'est pas tous ces nawakid sur lesquels il y a ishma. Quoi qu'il en soit, chaque naqid ici était cité avec sa preuve à l'appui. D'accord? Avec sa preuve à l'appui. Naam. Donc celui à qui il viendrait d'avoir annulé son wudu par l'une de ces sept causes, il doit refaire ses ablutions, ou alors un roussel, si jamais il veut faire la salat. Sans quoi celle-ci ne sera pas acceptée, ni l'obligatoire, ni la surrogatoire. Elle ne sera pas acceptée de lui. Naam. Donc aujourd'hui, on a pris ces masa'il qui sont le mas, l'essuyage sur les roufs, sur les chaussettes. D'accord? On a pris également l'invocation à faire après les ablutions, chose qu'on avait déjà pris auparavant. On a appris également le tayammum, les ablutions sèches. Pourquoi les faire et comment les faire? Et pour finir, nous avons pris les nawakid de l'odo, qui sont ici de 7. Qui sont la sortie des deux orifices, le sommeil profond, al-janaba, la grande impureté, masa al-zakar, al-farj, le fait de toucher son sexe directement, homme ou femme, akl lahm al-ibil, le fait de manger de la viande de chameau, al-riddah, l'apostasie, wa zawal al-aql, la perte de raison, wa akaza. Tamam. Fabi hadha naktafi. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.